Y a-t-il une façon pour nous de faire quelque chose? Il va falloir suivre la vibration. Moi, je vois pas quoi faire d'autre. Je réfléchis pas, j'agis selon la vibration. J'ai pas peur. Faut pas avoir peur. Parce qu'il y a une partie de tout ça qui est sur ce plan-là, c'est lié à de la crainte. Puis le fait, on vous insémine quelque chose, comme. Puis vous l'activez vous-même après en circuit fermé en vous. La crainte, c'est ça, entre autres. Donc, si vous n'avez pas peur, déjà là, ça va être plus facile. Vous allez avoir plus accès aux vibrations qui vont vous aider à survivre. La peur est un mécanisme de protection au niveau de la préservation, c'est-à-dire que c'est lié à la survie, mais rendu au niveau où l'être humain est, sa peur, elle lui nuit, elle le dessert. Vous voyez, c'est comme un cerf là, qui fige parce qu'il voit les phares d'une voiture, il va mourir. Pourtant, cette même peur-là qu'il fait figer censée lui sauver la vie. Mais le problème, c'est que des programmes, ça ne peut pas rester inconscient tout le temps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est intégrer, puis être de plus en plus présent, de plus en plus conscient, mais sans état d'âme.